sois quelqu'un de... Avec un petit visage, pas forcément un petit visage, mais un visage fermé sur soi lui-même. Tu vois ? Des traits plutôt fins, des fameux traits fins. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je rattache ça à ça. Des petits yeux, par exemple. Mais quelque chose d'assez harmonieux, non, quand même. Ou disons que rien ne dénote. Rien ne dénote parce qu'il fallait pas trop en donner, quoi. Tu sais, ces visages où justement il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas de place. Quand on les embrasse, je me demande où est-ce qu'on les embrasse. Moi-même. Ouais, quoi d'autre encore? Vas-y, c'est bien ça. C'est une bonne idée ça. Je vois des cheveux, plutôt bruns, enfin, plutôt châtains. Plutôt raide. Et une coupe ni courte ni longue, qui montre aussi un côté pas génial, pas tranché, tu vois, rien de tranché, ni courte ni longue. Et si c'est une coupe au carré, un carré parfait. Il n'y a pas de mèche rebelle, tu vois, c'est les petites brocheuses, elles n'ont pas des épis sur la tête, on ne sait pas pourquoi, mais elles n'ont pas d'épis. Je vois, en revanche, j'ai des filles assez grandes. Enfin, assez grandes, 1m70 à peu près. Plutôt mince. Mais où tu sens que c'est un corps qui est travaillé. Enfin, tu sens que c'est un corps dont on s'occupe. Alors c'est pas un corps sportif. C'est pas un corps. C'est un corps finalement où il n'y a pas tellement de liberté. Enfin, encore une fois, où on sent pas beaucoup de liberté. Quoi. Enfin, il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas d'anomalie, tu vois. Par exemple, elles n'ont pas spécialement de gros seins, elles n'ont pas spécialement de gros cul, elles n'ont pas spécialement de... soit pas de seins, soit pas de cul, enfin, elles sont... En fait, c'est difficile de les décrire. En fait, c'est un peu des porte-manteaux pour certains vêtements, quoi. Donc, tu sais pas très bien ce qu'il y a en dessous. Alors elle porte des talons de 5 cm. Des jupes droites qui arrivent au genou. petite échemise. Et alors, sous leur chemisier, elles ont le truc sexy. Enfin, plus ou moins sexy. C'est-à-dire, hein, une espèce de petit... de dentelle qui se voit. Elles ont des clips aux oreilles, parce que les oreilles percées, c'est le bon espagnol. Des bijoux plutôt en or, couleur or. Et des bijoux aussi discrets. Donc elles ont une chaîne, une fine chaîne en or autour du cou, par exemple. Avec, je sais pas quoi, une médaille quelconque. Ou sans médaille, même. Et une bague, soit une alliance quand elles sont mariées, soit une bague avec une petite pierre, genre perle, un truc petit. Elles ont plutôt les ongles courts. Mais cela ne bouge pas. Et il y a un vernis incolore dessus. Mais jamais tu veux. Jamais des trucs rouges, du vernis à ongles couleur. Bon, ça serait un peu pour le descriptif, mais d'une façon, d'une façon plus abstraite. À quoi ça te fait penser une beauté conforme à une beauté de classe? D'accord, mais pas grand chose là. J'ai du mal à démarrer sur cette idée, quelque chose. Mais je dirais d'une façon négative ou réactive. Comment, un peu théoriquement ou plus abstraitement, tu pourrais critiquer cette de beauté de classe? À part dire qu'il y a quelque chose de pingre qui se détache de ce type de beauté, je vois pas bien ce que je peux dire. Disons. À quelle vision de ce que doit être, quelle conception de ce que doit être les femmes dans la société, par rapport à l'homme, cette beauté, cette volonté de beauté petite bourgeoise te fait penser à quel type de conception du rôle de la femme? À une conception plutôt de femme en retrait, de femme. T'es certaine? En retrait par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport à l'homme dans ce qu'il a d'intelligent et de réfléchi, de... Pour moi, la beauté petite bourgeoise, ce serait plutôt une bouche bavarde, tu vois. n'y a que des bêtises qui peuvent en sortir. C'est-à-dire que c'est des beautés qui ont laissé de côté l'intelligence. Quand je pense à une beauté de Tise Bourgeois, je ne peux pas penser que ce soit quelqu'un d'intelligent. Même quelqu'un d'intelligent. D'un temps soit peu révolté. C'est pour ça que je vois plutôt une beauté, enfin pour ça que pour commencer j'ai dit que je voyais quelque chose de fermé plutôt. C'est un certain vide. Un certain vide de quoi? Certains vides de quoi? Vide de projet personnel. J'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui ont un jour pensé qu'on pouvait se faire différent de ce qu'on était. Tu vois, j'ai l'impression que ce sont plutôt des personnes qui ont amélioré une base, qui ont cherché à améliorer une base, ou à rendre plus conforme cette base à ce qu'elles pensaient devoir être plutôt. Il n'y a pas de bonté, quoi. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de bonté, c'est pas des visages bons. D'ailleurs, non, en général, c'est plutôt des. Enfin, moi, je vois plutôt des femmes méchantes. Alors, pour dire améliorer la base pour être plus conforme à l'idéal, donc ça pourrait dire. Pour un mouvement psychologique de ces femmes, c'est-à-dire qu'elles ont repris, elle a repris sans critique ce que socialement on lui demandait d'être. Par son histoire personnelle, c'est pour ça. Personnelle et sociale, et sociale, et que cette reprise tente de faire de sa vérité objective, mais non vérité intime, personnelle, sa vérité propre. C'est un peu confus l'idée que je développe, mais c'est-à-dire qu'au fond, il y a cet état, elle reprend. Ses déterminations objectives qui l'aliènent. Mm-hmm. J'aime pas ce mot-là et la pensée qui est derrière, mais bon, qui l'aliènent pour en faire sa vérité propre au détriment de ce qu'elle aurait pu faire d'elle. Donc, un peu ça l'idée générale, non? Pas du tout. Si. C'est... En fait, ce qui les caractérise aussi, c'est ce côté passe-partout. Côté passe-partout. C'est-à-dire que tout le monde, toute classe confondue pratiquement d'ailleurs, va reconnaître en elle quelque chose de pas mal. Attends, comme c'est toi qui prends note, je vais le mettre près de moi. Attends, bah, changeons de place, c'est peut-être plus simple. Tout le monde, toute classe confondue, va voir en elle, quelque chose de pas mal. Oui, mais c'est parce que, précisément, elle incarne une esthétique de la femme qui est produite par la société. Par la société. Idéologie, je dirais moi. Idéologie, là. Une vision totalement idéologique de la femme. Donc, ce qui est normal, que la majorité des gens... La majorité... Oui, c'est bien ça l'idée. La majorité des gens vivant dans l'idéologie reconnaissent cette beauté idéologique, ce qui est logique, technique. Bon. Laisse-le se tourner. Donc ça serait pour... Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Pour elle est belle. Bon, pour elle est belle et a une beauté de classe petite bourgeoise. Bon, ça serait pour... Il pourrait y avoir quelques paragraphes là-dessus ou... Alors est-ce qu'on imagine une scène... Est-ce qu'on imagine une scène où il y aurait non seulement ça, mais ou bien où il y aurait un échange avec un personnage, une situation dans laquelle cela pourrait se dire une réflexion? Est-ce que c'est elle qui se fait des réflexions là-dessus et puis le narrateur dit quelque chose là-dessus, la descriptif. Comment on organise ça? Est-ce que c'est simplement une remarque, une description faite par le narrateur? Est-ce que c'est une description qui est mêlée à une scène, c'est-à-dire où on entremêlerait sa propre perception, la propre perception du personnage et la description du narrateur? Non, je pense qu'on pourrait introduire une scène où elle se préparerait, par exemple. Ouais, où elle se préparerait. Où elle s'habillerait même. Ou bien une scène où elle croiserait quelqu'un et une autre personne qui serait en quelque sorte un peu comme elle et qui lui servirait un peu de miroir. C'est trop compliqué. Enfin, oui, je sais pas. Non, je pensais à ça. Ou bien une scène où, par exemple, dans un endroit, elle trouve les gens moches. Oui, par exemple, aussi. Je ne sais pas, hein, posons plusieurs scènes comme ça, il y aura peut-être à trouver une. Ouais, mais si on fait ça, avec les gens moches, on est obligé de réfléchir à ce que, pour elle, est être moche. Ben justement. Elle, finalement, elle pense à la mocheté par... Non, c'est pas... C'est justement... On décrit... Si elle décrit... En fait, si elle pose la mocheté... dans la différence à ce qu'elle est, on peut en même temps montrer que pour elle, finalement, elle cherche à atteindre aussi un idéal, où on peut voir quels sont les critères, justement, elle compare par rapport à elle. Mm-hmm. Et elle peut tout à fait comparer par rapport à elle, et justement reprendre, au lieu de dire c'est ma propre perception, universaliser ses jugements. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Alors, elle serait dans... Elle trouve les gens moches par rapport à elle et elle universalise les jugements qui la posent comme belle. Bon, ça pourrait être quoi cette situation? Où elle pourrait trouver les gens moches? Faut que ça intervienne pas trop tard dans le livre. Hein. Donc que ce soit une scène assez anodine, quoi. Mmh. Genre dans un café ou dans une zone. Oh non, pas au café. Donc c'est un site quand même. Ben justement. Prendre un café pour le matin. Avant de prendre son cours. Là, il n'est pas obligé de s'y installer pendant 3 heures, hein, de sortir un bouquin, de commencer à écrire dans un café. Bien sûr, pas le contraire. Mais. Mais elle prend pas le métro, elle prend pas les transports en commun. Au volant de sa bagnole, elle a déjà son délire sur les banques. Donc elle peut pas avoir un délire sur tout. Ouais. Après il y a la scène. Enfin avant il y a la scène de cantine. Mais c'est pas le propos. Hein. Non. Et puis elle pourrait regarder que d'autres profs, donc enfin de l'institut, c'est pas le propos non plus. Hein. Bon alors. Ok. Ok, dans un café. Le matin, en prenant un express. Ou parce qu'elle arrive finalement en avant chez son banquier. Hein. Et qu'on lui a dit que toute femme du monde qui se respecte n'arrive jamais en avance. Donc elle s'installe dans un café en attendant. Ben non, parce qu'on l'a fait mettre dans un embouteillage, peut-être peu, et puis faire en avance. Non, c'est bien le matin comme ça. Une petite réflexion du matin sur la beauté, et ça lui conviendrait, en prenant un expresso avant d'aller en classe. D'un café où elle aurait ses habitudes? Non. Non, justement, il faut montrer qu'elle aime pas tellement la familiarité avec des bistrotiers. Elle pense que ça correspond pas à... Voilà. Tu veux, on peut par exemple justifier ça parce qu'elle est, c'est une journée particulière pour elle, donc elle est un peu stressée, elle arrive plutôt que prévu et elle va prendre un café quoi. Mmh. Elle est partie plus tôt. Enfin... Attends, la familiarité avec les bistrotiers. Je pense qu'elle doit quand même trouver ça un peu vulgaire. Ok, ça correspond pas. Ah mais ça correspond pas. D'accord. Ça correspond pas à quoi? Correspond avec un T ou avec un T? D. Correspond pas. Non. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas avec. L'idée de la femme, c'est ça que m'a dit? Oui, avec l'idée qu'elle a d'elle-même, de sa qu'elle classe, doit être, de sa fonction. De sa fonction. Mais aujourd'hui, jour particulier, un peu stressé à cause du rendez-vous avec banquier. Bon, très bien. Bon, ça, ça fait une scène pour A. Première scène. Enfin, une scène qui expose cette idée. Bon, B. Alors. Ça te semble bien ou quoi, travailler comme ça? Ouais, ça me semble bien. Ça étoffe le personnage, quoi. Non, c'est bien. Ça te semble bien? Mmh. Oui, parce qu'après, on peut remettre après les scènes dans l'ordre, mmh. Et puis après... Bon. Ensuite? Bon, alors, l'idée en B... L'idée en B, c'est les instincts de série, genre modèle social et aussi esthétique de la femme. Alors là, c'est surtout toi, parce que moi, je n'ai pas grande idée sur la question. Bah, c'est une idée de fille, hein. Bon. Mais bon, je ne sais pas si c'était pertinent dans ce livre. Si, tout à fait. Moi, je trouve ça me plaît beaucoup comme idée, mais on peut, c'est pas forcément, ça peut être... Pas obligé d'en faire une scène, peut simplement faire quelques remarques, un ou deux paragraphes. D'abord, il y a à peu près 90% des petites filles qui veulent être institutrices. Attends. Qui veulent être maîtresse d'école. Pourquoi ? Parce que c'est un univers, enfin c'est rester dans un univers d'enfant tout en étant adulte, je pense que c'est assez rassurant pour quand t'es petite, quand même. Et pourquoi plus les filles alors? Parce que c'est le prix de bonne élève des filles pour réussir à l'école, pour être sage, appliqué, je sais pas, tout ce qui est transitrain. Attends. Faut être sage, appliqué, discipliné. Attends. Appliqué, discipliné. Et que il y a beaucoup de femmes dans le milieu, dans l'éducation nationale, je pense que c'est un peu aussi idée. Donc quand il y avait encore des notes d'école, peut-être que les petits garçons ont envie d'être maître d'école. Mmh. Et puis c'est s'occuper des enfants, c'est continuer à s'occuper des enfants, médier par la culture. On est grand quand même, puisqu'on sait suffisamment pour transmettre. Et pour peu qu'on soit bonne, c'est un univers rassurant, l'école. Enfin, rassurant, et c'est les premières satisfactions qu'on acquiert seul, sans ses parents. Et puis il y a l'idée du tableau noir, de l'estrade, du respect qu'on a pour ses maîtres. Et puis peut-être parce qu'on a envie d'être aimé comme on a tout le monde. Attends. Je sais pas si vous voulez être institutrice. Bon, bah alors, attends, il n'y avait pas que ça, parce que bon, ça c'était pourquoi les petites filles voulaient être. Ouais, bon. Mais alors, les instincts, c'est riche en modèle social et aussi esthétique de la femme. Alors en quoi? Là, faut faire appel à ton vécu. Ta mère a quelqu'un qui a énormément de vécu. Il faut le savoir. Non, mais j'en sais C'est toi qui as eu cette idée, c'est que rien. ça veut Ouais, bien renvoyer à quelques. C'est ça, renvoyer à des expériences personnelles. Expose cette expérience. je me souviens d'une institutrice que j'ai eue en 8e, donc qui était assez jeune, devait avoir 28 ans, l'âge de notre protagoniste à peu près. Et cette femme, en plus de l'école, enfin, j'avais l'impression qu'elle nous inculquait. Attends. À côté de l'image qu'on a de sa mère, une autre possibilité. C'était peut-être aussi lié à ma propre mère. Bon, peu importe. Tu crois que dans cette autre possibilité, il y avait quelque chose, la diffusion d'un certain mépris qu'il fallait avoir pour sa mère, qui était peut-être un mépris de l'instit pour les mères de parents. Ça, j'ai pas compris. Tu crois que dans le fait de proposer une autre possibilité de ce qu'on pouvait être que sa mère, il y avait une sorte de mépris pour les mères des élèves? Oui. Ouais. En fait, j'avais l'impression que sous couvert d'être un instrument, entre guillemets, de culture, Attends. Elle nous contentait, enfin non, elle nous contentait ouais, dans le fait d'être femme. Mais d'être femme comme elle. Et comme elle, c'est notamment d'être maquillée. C'était porter des jupes. Oui, mais la nôtre ne sera pas très maquillée. Avoir des bijoux. Tu vois, par exemple, je me souviens quand on parlait, elle disait toujours que les filles, c'était plus bavard que les garçons. Et elle nous disait, mais oui, mais nous on bavarde parce qu'on est des filles, par exemple, tu vois. Et c'est pas très clair, je ne sais rien, je n'ai jamais réfléchi à ça jusqu'à aujourd'hui. Sais, elle fixait un peu ce qu'on était censé être. Notamment, elle me disait, bon, les filles, vous apporterez vos poupées Barbie, les garçons, vous apporterez vos voitures. Tu vois, enfin, il y avait des trucs comme ça. Hein. Et il faut pas sous-estimer l'identification qu'on a à son institutrice. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, certaines, je ne dis pas toutes, hein, mais que certaines en tout cas, cherchent aussi à tirer bénéfice de ça. La petite. Ouais. Au sens où, où ça devient vite une histoire, des histoires de nanas, enfin. En fait, l'instit transporte une naissance particulière de la femme qu'elle transmet à ses élèves filles. Mais peut-être à ses élèves garçons d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin bon. Essence bornée. Là ça colle. Essence bornée égale petite bourgeoise. En tout cas présent. Ce qui est normal puisqu'elle se pense comme un idéal et qu'elle se justifie elle-même par. Parce qu'elle a une pensée essentialiste quoi. Mmh. Bon, mais vas-y, d'autres réfléchis encore un peu. Bah, j'en sais rien. Je vais pas tellement réfléchir, j'ai fait le tour des choses. Hein. Bon, alors est-ce que. Tu verrais une scène pour exposer ça? Un petit dialogue entre un de ses élèves? Non, mais par exemple, on peut imaginer, oui, une dans la classe? Oui, par exemple, une petite fille qui vient lui dire ou à la récréation qu'elle est belle. Classe? Tu vois, on disait à ses instituteurs qu'ils étaient beaux. Oh, vous êtes belle, madame. Tu vois? Oui, d'accord, attends. Dans la classe ou avant la récré, par exemple? Oui, avant la récré ou dans le couloir quand ils partent en récré. Oui, dans le couloir. Couloir, en allant en récré. Okay. Une petite fille qui dit « Vous êtes belle ». Madame. Ou je sais pas, maîtresse ou. Enfin, bon, chef, peu importe. Et bon, oui, mais alors, est-ce que ça, cette scène, on peut. Mais elle répond, tu seras aussi belle que moi quand tu seras grande. Tu seras. Tu vois, il faut une réponse quoi de générale. Réponse. Tu seras aussi belle que moi quand. Grandi alors. Mais je sais pas, mais je t'ai vu à la cantine, mange moins de chocolat. Oui. Tu vois, enfin, une réponse qui est en fait assez méchante. Chocolat. Assez méchante. On peut imaginer un petit dialogue qui poursuit comme ça, où on voit que ça insiste bien. Demain vient avec, imaginons, avec ton jouet, ton accessoire. Spécifiquement féminin pour l'animation du cours. Ouais. Bon, très bien. Une petite pause. Elle est mince, mais l'idéal c'est d'être squelettique. 3. Bon. Je sais pas, ça c'est ton idée, ça. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas très personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ferait réfléchir. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu à ce que ça veut dire. Cet idéal de la minceur. Même d'une façon un peu délirante, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Comment on pourrait percevoir cette idée de la minceur? Déjà, un idéal de la minceur. L'idéal de la minceur, c'est un idéal de riche. Ouais. Il n'y a que les riches qui puissent vouloir être maigres par esthétisme. Mais d'autre part, la maigreur, c'est aussi une esthétique de classe. Ouais. Classe. Mais... Les pauvres, attends. Les pauvres, junk food, plutôt gros, voire obèse. Mais, hormis ces deux remarques préalables, à quoi ça renvoie cette esthétique de cette maigreur? Il faudrait avec l'idée. La négation du corps. Égale négation du corps. Négation du corps au sens où. Où c'est vraiment une volonté de faire disparaître. De faire disparaître de faire vraiment disparaître le corps lui-même, enfin où il a plus de place, il a plus de place vraiment dans les autobus, un corps gros n'a pas sa place, tu vois. Enfin, où c'est vraiment quelque chose d'économiquement vérifiable. Hein. On fait des économies de place. Ah, de place. Ouais. Pourquoi, d'après toi, cette volonté de faire disparaître le corps? Parce que j'en sais rien. J'ai une idée qui me vient, mais je ne sais pas si c'est la plus pertinente. Toujours, on verra bien. Mais c'est aussi lié à la sexualité. Où on gomme. On cherche à gommer aussi les différences entre les sexes. Pourtant, les hommes sont plutôt gros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la volonté de la maigreur de la femme? Oh, mais attends, gommer... Attends, je l'ai noté l'idée déjà. Mais volonté de rapetisser la femme physiquement par rapport à l'homme. Non, je crois que là, mais enfin, peut-être, mais ce que je voulais dire par là, moi, c'était que... Non, mais je sais pas ça ce que tu voulais dire, je me demande ce que tu penses de cette idée. Thank you. Sera petit, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui enlever ses caractéristiques. Par c'est rapport bien juste. Idée, quoi. Ouais, mais je. Mais ça me dit rien, ton idée. Une volonté de rapetisser la femme par rapport à l'homme. Physiquement, c'est qu'elle soit plus petite, plus menue, plus faible. La diminuer, physiquement. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas pourquoi faire. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais j'en sais rien. Je sais pas. Je demande ce que t'en penses. Ben, j'en pense pas grand-chose, là. Bon. Continue sur ton idée, puisque tu n'y as tes idées que tu es capable de... Mais non. Mais j'étais en train de développer quelque chose, bon. et tu me fais passer à quelque chose d'autre qui me renvoie à ce que j'ai pensé. Laisse-moi terminer. Et tu me dis oui, mais non, non. Toi, tu viens pas de contester oui, mais non. Mon idée. Si, tu me dis, ouais, mais les hommes, ils sont gros. Oui, les hommes, ils sont gros. Oui, mais dans l'idée de maigreur de la femme, il y a la volonté de faire disparaître ce qui est son sexe. Par rapport à l'homme, un corps de femme, ça descend des hanches, des fesses par rapport à un homme. Pas plus de seins, c'est plus à mode des gros seins en ce moment. Mais c'est fini à mode des gros seins. Bon, enfin bon, ça a quand même eu lieu, tu peux pas le nier. Donc, oui, ben la mode des...